J'aime le bruit qu'on ne fait point. Le sablier lent dans sa course. Le recul avant les pieds joints. La grâce du geste à sa source. Le bourgeon retenant son pli. Le genou qui s'endort au givre. L'audace au vœu non accompli. Le baiser tenant quoi le cuivre. La tasse ou l'âme de refroidir. Le oui murmuré lèvre à lèvre. Le mot criant pas encore dit. Le juste appétit qui se sève. Puis l'aiguillon subit du bruit dans la salle.